Il est 8h53, les auditeurs se réveillent partout au travail ou en week-end et pourtant, Géraldine Mosna-Savoie, dans votre carnet de philosophie, vous nous parlez de gueule de bois. Je sais que c'est pas le bon moment pour en parler, qu'il est beaucoup trop tôt, que ce soit pour ceux qui attendent le week-end pour s'enivrer ou que ce soit pour ceux vaillants comme je ne le suis plus qui sont sortis hier et le paient très cher ce matin, n'est-ce pas Quentin? Mais oui, je veux vous parler de ces lendemains, pas forcément de fêtes, hein, mais d'ivresse, même légère. Ces lendemains faits de gueule de bois, de maux de tête, de déshydratation, de gêne, parfois aussi de joie, parce que quand même, eh ben, on a bien rigolé. Pour ceux qui les ont déjà expérimentés, je peux dire sans me tromper qu'aucun d'entre eux ne veut le revivre. Et pourtant, j'aimerais quand même les réhabiliter ces lendemains-là et même en faire l'éloge. Alors, pas tant pour vous pousser à la consommation, je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour ça, ni pour vous donner mes petits tuyaux pour y faire face, type Doliprane, tisane, sommeil, Big Mac, mais plutôt pour les envisager sereinement. Après tout, certains philosophes ont bien vu dans l'ivresse une nouvelle manière d'appréhender le réel, alors pourquoi pas faire la même chose avec ce qui est aussi appelé la vésalgie. C'est le terme savant de gueule de bois. Alors dites-nous, parce que ça intéresse un certain nombre de personnes, j'imagine. Alors pour ça, c'est pas mal de faire un petit détour, Chloé, comme on en fait tant quand on est sous l'effet de l'alcool, et ici par Clément Rosset. Dans son traité de l'idiotie, intitulé Le Réel, il rappelle que le héros alcoolisé de Malcolm Lowry, dans son roman Au-dessous du volcan, n'est pas n'importe quel ivrogne. Le consul de Malcolm Lowry n'est pas un ivrogne ordinaire, c'est un ivrogne extraordinaire. Un voyant qui se sait plonger dans un état d'ébriété exceptionnel. Il n'a rien d'un homme qui perd de temps à autre son chemin pour le retrouver par la suite, parce que son ivresse est permanente. Pour Rosset, l'ivresse permanente est donc synonyme de voyance. La voyance n'ayant rien à voir avec la lucidité de celui qui retrouve son chemin, mais étant la capacité à constater qu'il n'y a en fait aucun chemin lisible. Pour le dire autrement, l'ivrogne de Lowry nous révèle l'insignifiance du réel. Mais pour nous, ivrogne ordinaire, qu'en est-il? Sommes-nous de ceux qui perdons notre chemin pour le retrouver banalement le lendemain? Cette insignifiance du réel nous échappe-t-elle complètement? Alors si j'en suis Rosset, apparemment oui. Mais c'est pourtant disqualifier ou plutôt surestimer nos lendemains de cuite, que de les considérer comme de simples et belles retrouvailles avec la lucidité. Car paradoxalement, en gueule de bois, on fait peut-être l'expérience de la lucidité retrouvée, mais aussi celle de l'hébétude qui perdure, comprenant après coup ce qui s'est passé, tout en ne comprenant pas pourquoi on a agi comme ça. Mais vous oubliez quand même les maux de tête, la bouche sèche et l'inconfort généralisé, j'ai envie. Eh bien non, au contraire Chloé, ils font partie de cette hébétude et si je file le paradoxe, je peux dire que chaque mal de tête, chaque suée, chaque abrutissement en fait, est comme le rappel douloureux de ma lucidité. C'est comme si la lucidité ne pouvait se former qu'à travers un nuage de céphalée et de nausées. Et quand on y pense, c'est surtout dans ces états temporaires de ce genre qu'on prend conscience moins de l'insignifiance du réel que de nous-mêmes. Finalement, on est peu de choses, se dit-on, en se regardant dans la glace. Voilà le genre de considération qu'on en vient même à se faire, confirmant par là même le niveau insignifiant de nos idées face à l'insignifiance de nous-mêmes, ce qui, contre toute attente, a, je crois, un effet salvateur, car oui, mieux vaut parfois être un lucide abruti qu'un idiot pleinement conscient.